Cinquième partie, chapitre 7 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Cinquième partie, chapitre 7, examen de l'état de l'âme sur ses passions. J'ai étendu les points de cet examen, qui ne consiste qu'à connaître le progrès qu'on a fait dans la vie spirituelle. Car l'examen des péchés regarde la confession de ceux qui ne pensent point à s'y avancer. Il ne faut cependant s'observer sur chacun de ces articles qu'avec une douce application à considérer l'état du cœur et les fautes notables qu'on a pu commettre. Mais pour abréger le tout, réduisons cet exercice à l'examen de nos passions et considérons seulement ce que nous avons été et comment nous nous sommes conduits sur les articles suivants. Dans notre amour envers Dieu, envers le prochain et envers nous-mêmes. En notre haine, à l'égard de nos péchés et de ceux des autres, car nous devons désirer leur amendement comme le nôtre. En nos désirs, à l'égard des richesses, des plaisirs et des honneurs. Dans la crainte des dangers de péché et de perdre les biens de cette vie, on craint trop l'un, trop peu l'autre. Dans l'espérance trop établie peut-être sur le monde et sur les créatures, trop peu sur Dieu et sur les choses éternelles. Dans la tristesse, si elle est excessive et pour des choses vaines et frivoles, dans la joie, si elle est excessive et pour des choses qui ne la méritent pas. Enfin, observons quelles affections embarrassent notre cœur, quelles passions le possèdent et en quoi principalement il s'est déréglé. Par les passions de l'âme, on en reconnaît l'état, car, comme un joueur de luth en pince toutes les cordes pour tâcher d'accorder celles qu'il trouve dissonantes, ou en les tirant ou en les lâchant, de même, si après avoir observé toutes nos passions, nous les trouvons peu conformes au désir que nous avons de glorifier Dieu, nous pourrons les y ajuster avec la grâce de Dieu et le secours de notre Père spirituel. Fin du chapitre 7, cinquième partie.